Alors, on tourne à gauche, puis plein sud. Après le menhir, à droite. Non, l'autre droite. On avance pendant approximativement un certain temps. Et enfin, l'arbre qui cache la forêt, c'est celui-là. Voilà, j'y suis, c'est cette porte. Bonjour, mademoiselle. Je suis bien au bureau de Radio Anime. Oui ! Oh, merci Seigneur, je les ai enfin trouvés. Je suis le professeur Andariel, mademoiselle. Quoi ? Vous m'attendiez ? Mais c'est merveilleux ! Et vous allez me conduire à mon bureau ? Et tous les collègues de Radio Anime sont là, eux aussi ! Oh, je suis en avance pour la réunion de 15h, mais c'est fantastique ! Excusez-moi, mademoiselle, c'est l'émotion. Ah oui ? Oui, mademoiselle. Oui, je vous suis, vous allez me montrer mon bureau. Ah ! Oh non. Oh non, re-rêve. Oh non, re-rêve. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouvel épisode de Andariel's Creed sur Radio Anime. Concernant Radio Anime, bien que employé chez eux, je n'ai toujours pas été en mesure de localiser les bureaux de la radio. J'ai effectué des fouilles précises à travers le monde, avec méthode et discipline, pour trouver des indices, des traces, mais mystère, impossible de trouver les impénétrables bureaux cachés de Radio Anime. J'ai pourtant cherché partout, même dans la forêt qui se cache derrière l'arbre, c'est vous dire. Mais sans plus attendre, parlons d'archéologie. Archéologie, c'est l'étude des civilisations anciennes. C'est pas aller voir mémé à l'EHPAD, hein. L'exploration, très chers auditeurs, ce sera la thématique des artefacts de notre émission d'aujourd'hui. Pour moi, c'est d'un banal tout ça, vous verrez, car à présent nous allons parler de mon quotidien, de ce qui rythme la vie de tout archéologue. Nous allons parler de temples perdus, de pièges mortels, de fontaines de jouvence, de portes des enfers, de dominatrices allemandes en cuir et de diamants. Diamant, un jeu réédité par Yellow en 2016, mais dont j'ai découvert les premières traces en 2005, édité par Schmidt. Déjà, le voyage commence. Le jeu vous transpose dans la peau d'éminents collègues scientifiques faisant face à un temple maudit. Dans ce petit jeu de plateau, le but est d'empocher le plus de diamants possible. Pour ce faire, vous allez explorer les sous-sols du temple. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous et à votre groupe. Vous allez les emprunter un par un à la suite. Pour ce faire, vous tirez des cartes tunnels. Cela représente le chemin que votre groupe parcourt. Sur ces cartes, il y a un dessin de galerie avec un numéro. C'est le nombre de diamants que vous trouverez au sol. Il faut vous les répartir entre vous de manière équitable, et s'il en reste en surplus, vous le déposez sur la carte. Vous avancez en pochant toujours plus de diamants, quand là, paf ! Un piège ! Une carte du genre « Serpent géant !» sort sous vos yeux. L'exploration prend une toute autre forme, car à la deuxième carte piège, identique, fin de la mission rideau. Tout le monde rentre à la maison, en laissant son précieux butin en arrière. Le jeu consiste donc en le fait que, avant chaque carte tunnel que vous tirez, vous décidez individuellement si vous rentrez ou si vous continuez. Si vous rentrez, l'exploration du tunnel en cours s'arrête, vous conservez votre trésor et devrez attendre le prochain tunnel pour jouer à nouveau. Si vous vous entêtez et que survient le second piège identique, alors vous perdez tous vos bénéfices en cours et devrez compter sur le prochain tunnel pour vous refaire. C'est là que le jeu est très rigolo. Chacun y va de sa petite statistique, hein, comme d'habitude. Alors que, bon, on est sur des cartes que l'on tire. Impossible de prévoir. Si vous êtes entêté et jusqu'au boutiste, ce jeu est fait pour vous. Car si tout le monde lâche l'affaire et que vous vous retrouvez seul, plus de partage à faire et là, c'est jackpot. À la fin de la partie, on compte tout simplement le nombre de diamants, et c'est celui qui en a le plus qui gagne. C'est donc en effet, mesdames et messieurs, un jeu de stop ou encore, comme on les appelle, où le but est clairement d'être vénal et de ramasser un max de grisby avant de filer à l'anglaise pendant que vos collègues jouant les petits malins ne tombent sur des araignées géantes. Araignées ? Le jeu est hyper simple et facile, accessible et visuel, avec une foule de matériel. Je veux dire par là que chaque joueur a un petit coffre en carton afin d'y ranger ses diamants. Les diamants qui d'ailleurs sont des rubis rouges. Bon, rien que sur ce point, entre le titre du jeu et les diamants rouges fournis, cela va vous donner des heures de débat. En tout cas, vous aurez quelque chose à manipuler, de quoi occuper vos petites mimines. Le matériel rend le jeu hyper kinesthésique pour les enfants. J'ai pour ma part joué avec un jeune archéologue de 5 ans, quand je vous dis que c'est simple et accessible. De plus, le jeu vous offre la possibilité de jouer jusqu'à 8 joueurs. On est pas mal. Donc, je résume. Temple maudit, tunnel, diamant, sondage, ramassage, dépêchage. Les archéologues, ils les financent comment, les expéditions, à votre avis ? Je suis bien placé pour le savoir, je suis archéologue moi-même. Hey, selon vous, comment j'ai payé ma Dacia ? Passons à présent à la suite avec un jeu qui m'aura donné de véritables sensations et émotions, Dungeon Fighter. Sorti en mai 2012, chez Yellow, il compte désormais 4 extensions à son actif et c'est vraiment un jeu de ouf gutin. Un jeu qui vous obligera à lever votre séant de vos sièges, voyons ensemble ses arcanes afin de vous donner envie de vous y frotter. Tout d'abord, c'est un jeu en coopération. Tout le monde est dans la même équipe. Cela va ravir beaucoup de gens, car en effet il existe bon nombre de personnes qui n'aiment pas trop la compétition, et au contraire ont un gros faible pour les jeux coopératifs. Votre groupe est donc un groupe d'aventuriers qui parcourent et explorent un donjon envahi de monstres et de créatures en tout genre. La disposition du donjon change à chaque partie, car vous en tirez la configuration au fur et à mesure. Il en est de même pour les ennemis, répartis en plusieurs niveaux. Vous pourrez faire varier la difficulté en mettant plus de niveau 1 que de niveau 3, par exemple, etc., etc. Le tout avec un boss final. Déjà, ennemis et map du donjon, renouvelables, variables et adaptables, énorme point fort du jeu pour lutter contre le côté répétitif. Après, le gameplay. C'est là que l'on se rend compte que les créateurs du jeu avait un sérieux problème d'instabilité mentale, car on le sent hein, au travers du jeu. Démonstration. Votre fiche de héros, chacun à la sienne, votre groupe avance dans le donjon, vous arrivez dans une salle, vous tirez un monstre et hop, baston. Voilà comment grossièrement se déroule le jeu. Le tout étant de venir à bout de toutes les salles afin d'arriver au boss final. Bon, jusqu'à là, vous voyez pas où est le problème. Tout semble parfaitement normal, voire banal. Et le truc, c'est que pour affronter les monstres, il faut lancer un dé sur une cible en carton, genre jeu de fléchettes, que vous aurez posé au milieu de la table. Chaque anneau de la cible correspondant à des dégâts que vous infligerez. Alors bon, quoi de plus aléatoire qu'un dé ? Mais là, en plus, vous chercherez à viser. Non, sérieux, vous avez déjà essayé de viser avec un dé ? Mais, oui, il y a un mais. Vous pouvez également augmenter la force de vos attaques en lançant le dé d'une certaine façon. Par exemple, en étant de dos, plus 3 dégâts. Ou encore, en vous cachant les yeux. Et, bien entendu, vous pouvez combiner les techniques. Ainsi, une fois, je me suis retrouvé à lancer le dé que je tenais du bout de 2 doigts, une main sous la jambe, en sautant sur place à cloche-pied au moment du lancer. Non, sérieusement, essayez de visualiser quelques instants. Faire un saut à cloche-pied recroquevillé sur soi-même pour lancer un dé sur une cible en visant le centre. Hein ? Et si on rate hein, la cible, et ben c'est le monstre qui vous tape. Quand je vous disais qu'il y avait de l'émotion. Je crois que rien que le spectacle d'un joueur qui lance son dé fait partie du jeu. C'est malade. Et je remercie le ciel parce qu'autrement je ne pourrais pas faire ça. Et je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. Dire Street. Nous poursuivons désormais notre émission avec quelque chose de spécial que je vais partager avec vous, très chers auditeurs. Un très beau souvenir. J'ai toujours adoré les jeux de société. Monopoly, Millborn, Uno furent mes premiers titres. Puis vint Risk au collège. J'étais en 5e quand mon grand-père m'amena dans un magasin de jeux de plateau. Nous venions acheter un Risk et nous sortîmes avec un jeu d'une toute autre nature. Le vendeur avait réussi à embobiner le jeune à l'esprit faible et corruptible de 14 ans que j'étais, et mon grand-père, dubitatif, était sincèrement pas sûr de son coup. Dans mes petits bras maigres, je tenais fièrement Tannhauser. Et oui, l'origine de cette passion, la raison de ma présence sur Radio Anime, vous proposant cette chronique, la source du mal qui me ronge, Tannhauser. Un jeu sorti en 2006, plus édité de nos jours. À la base édité par Tekken U, qui a disparu, la licence fut reprise par FFG, qui après quelques extensions, laissa de côté le jeu, avant que peu à peu il ne tombe dans les limbes. Il est devenu rare, et ses extensions collector, autant que difficiles à se procurer. Même si cependant, quelques boutiques en ligne en vendent encore. Là, on est dans de la vraie archéologie. Tannhauser, un jeu hardcore, dans laquelle plusieurs factions s'affrontent. L'histoire du jeu est à couper le souffle. La Première Guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée. Après 35 ans de guerre totale, les projets les plus fous ont toute latitude pour opérer, la guerre traditionnelle ne donnant aucun résultat et les armées s'enlisent. Ainsi, l'Obscura Corp, division occulte du Kaiser, est parvenue à localiser et à ouvrir une des portes de l'enfer, permettant aux forces de l'Axe de déployer de nouvelles troupes mi-humaines, mi-démons. Les alliés, quant à eux, disposent d'une toute nouvelle source de technologie révolutionnaire. Un objet non identifié s'est écrasé dans une région reculée du continent nord-américain, permettant des avancées technologiques inouïes. Chacun, avec ses nouvelles armes, est prêt à en découdre avec son ennemi. Ok. Là, déjà, c'est du lourd. Le manuel de règles foisonne de petits bouts d'histoire de l'univers, un vrai régal à lire. Mais pour parler du jeu en lui-même, voici donc un jeu d'affrontement de figurines avec un plateau et des cases. Le système du jeu fait que les cases ont une certaine couleur, et ainsi, si vous êtes sur une case de même couleur qu'un ennemi, vous le voyez et pouvez ouvrir le feu. Sinon, eh ben non! Fin des interminables disputes pour savoir si ça touche ou si ça touche pas. Si mon mec il peut te voir le tien, mais que le tien il peut pas voir le mien parce qu'il est mieux caché que le tien et que moi bah c'est moi qui ai commencé à tirer d'abord, alors j'ai l'avantage sur toi et pas toi. Non. Sérieusement, ce système est juste parfait car sans aucune ambiguïté et zone d'ombre. Pour poursuivre, vous dirigez une équipe complète, 5 personnages chacun. Mieux encore, vous pouvez jouer à plusieurs en répartissant les figurines. Une fois, nous avons essayé donc de jouer à 10 joueurs. J'avais 15 ans. Les personnages, mesdames et messieurs, ils sont à la fois clichés et charismatiques au possible. Nous parlions au début de cette émission de Dominatrice Allemande en cuir, eh bien vous allez adorer jouer avec la Bloodstorm Division. Chaque figurine vient avec une feuille complète de caractéristiques, des pactages auxquels elle a accès, de pions équipements, armes, protections, grenades, et d'une histoire personnelle qui trône à côté de son illustration, creusant toujours plus profond l'histoire dans l'histoire. La faction de l'Axe possède des pouvoirs occultes et des capacités massacrantes au corps à corps. Les alliés sont quant à eux surarmés avec des figurines qui du coup ont pour seul objectif de couper les ennemis en deux au premier lancer de dés. Sans compter les Russes qui arrivent avec l'extension Novgorod. Alors eux, ils ont carrément enfermé l'esprit d'un ancien dieu slave dans une armure. Ouais, vous jouez avec un dieu. Je ne peux hélas pas parler de la dernière faction, sortie uniquement en anglais, le Shogunat. Les Japonais, eux aussi, ont le droit à leur heure de gloire. Les affrontements dans le jeu sont d'une rare violence, presque chaque confrontation est mortelle. La dimension tactique est donc très poussée et ne doit pas être prise à la légère pour privilégier le côté bourrin. Qui plus est, le jeu offre un nombre incroyable de modes. Match à mort, où il faut massacrer la team adverse, capture de drapeau, mode domination, ou encore mode histoire avec une campagne, des trucs à activer, détruire ou modifier selon les compétences de vos personnages. Et oui, il y a des compétences! Mais là, vous me direz que tout cela ressemble trait pour trait à bon nombre de jeux vidéo. C'est en effet le cas. Pour l'époque, avoir un jeu de plateau qui offrait toutes ces possibilités était quelque chose de plutôt original, car on trouvait cela surtout dans les jeux vidéo. Un univers aussi profond et aussi creusé, c'était la coutume des grands jeux de figurines ou de cartes, mais c'était au final très peu répandu pour les jeux de plateau plus humbles. Aujourd'hui, les jeux de plateau ont pour bon nombre des histoires étoffées et incroyables. Tannhauser a même eu le droit, au même titre que l'immense Warhammer, à des livres. J'ai eu la chance de pouvoir admirer les tableaux de Rosalski qui sont au Naya Museum et qui ont permis de donner le jeu Stight. Des récits de guerre, mais aussi de rêves, des histoires qui vont construire l'individu que vous serez après les avoir lus. Mon père, alors que j'étais petit, m'a donné le goût des histoires, du cinéma, de la musique. Mon grand-père s'en est allé, me laissant bien plus que ce jeu que je possède toujours. Jamais je n'oublierai cet homme avec un chapeau, fumant la pipe, qui aura été le début de mon histoire et de l'homme que je suis aujourd'hui.